Et Gilles, on se fait jouer du Miguel. Oh que oui! C'est rock, c'était l'enfer. Les fenêtres étaient toutes placardées. C'est bien facile à expliquer. Personne vous laisse faire voler. Maire de Québec à cette époque, Jean-Paul Lallier n'avait son troc. Et je cry le vieux Saint-Roch. Qui était Plywood City, qui était Plywood City. Et je crois le vieux Saint-Roch, qui était Plainwood City, qui était Plainwood City. Dans le vieux Saint-Roch, c'était l'enfer, non rien de rien n'allait très bien. Même le soleil avait titré ce que je chante comme le refrain. C'était de valeur, c'était loin d'être une fleur pour la ville de Québec. Mais tout ça a changé grâce au règne de Jean-Paul Lallier. Et je cry le vieux Saint-Roch, qui était Plainwood City, qui était Plainwood City. Et je cry le vieux Saint-Roch, qui était Plainwood City, qui était Plainwood City. Pouf! Pouf! Pouf, pouf, le maire Lallier a fait de l'ordre en un temps, trois mouvements. Il y avait des gangs de rue et de la violence. Dans le vieux Saint-Roch, c'était l'enfer. Valait mieux pas te promener dans le noir. Tu risquais de faire apostropher. Dans le vieux Saint-Roch, c'était l'enfer. Les fenêtres étaient toutes placardées. C'était facile à expliquer. Personne voulait se faire voler. Et tout cela a bien changé. Gloire et honneur au maire Lallier. Et je cry le vieux Saint-Roch, qui était Plainwood City, qui était Plainwood City. Et je cry le vieux Saint-Roch, qui était Plainwood City, qui était Plainwood City.